Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste du Nord-Est, hein, Metz, c'est ça? Voilà, monsieur Beniz. Alors salut, alors moi, mon anecdote c'est quoi? C'est un jour on a joué dans une église pour des parents d'élèves d'un lycée catholique. D'accord. Et c'était bien, mais à la fin, la femme qui organisait le truc, elle est venue nous voir. Et puis, y avait d'autres personnes avec moi. Il y avait Hugo. Hugo, la dame lui a dit, oh, Hugo, toi, c'était génial, comme d'habitude, je savais. Ensuite, elle a dit à Doug, qui était avec nous. Doug, oui, qu'on connaît. Voilà, Doug. Doug Jordan. Jordan, voilà. Ouais. Dougie, à qui elle a dit, Doug, comme d'habitude, très bien. Et toi, Ben, je dois te dire, toi, t'as cassé l'ambiance. Oh, elle te l'a dit comme ça. Et comme ça, et ça c'est fini, sans on gants, lui a dit sans bonne gants, soirée. Comme ça. Sans gants. Bah, normalement, dans ces cas-là, au moins tu dis, Ben, genre, bien, genre, sans en rajouter, tu vois. Non, avec elle 100% de franchise, elle a dit, Ben, t'as cassé l'ambiance. Et moi, j'avais parlé de mort dans le couvent, tu vois. Ouais, ouais c'est sûr que ouais, ça met une ambiance un petit peu glauque, mais en même temps, bah, déjà, c'est ton humour. Ouais, bah, normalement, les gens le savent. Elle avait qu'à se renseigner avant de m'inviter, en fait. Bah exactement, je sais pas. T'as cassé l'ambiance. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas. En fait, souvent, les gens, malheureusement, c'est ça que je reproche aux gens qui organisent des trucs d'humour. Souvent, ils pensent à eux. T'sais, ils sont un peu trop subjectifs. C'est-à-dire, ils se disent pas, le public a dû aimer. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'humour noir aussi. Eux, ils se disent, après... moi, ça m'a pas plu, donc la soirée est ratée. Alors que non, il en faut pour tous les goûts. Ah non, mais là, je dois t'avouer qu'en l'occurrence, elle avait raison. La soirée avait pas plu. Oui, d'accord, ok. Excuse-moi, je croyais qu'elle exagérait, moi. Ah, non, mais t'as vraiment planté l'ambiance. Je t'ai dit qu'elle avait été honnête, elle a été honnête, elle a dit les choses. Non, moi, je pensais qu'elle l'avait dit. Parce que des fois, ça arrive que toi, genre, ton passage sur scène se passe bien, et le mec de derrière, tu vois, genre, le mec, l'organisateur et tout, viennent te voir et te disent non, mais c'est pas cool ce que t'as fait, machin, alors que le public a adoré. Donc là, non, en l'occurrence, c'était le cas. Non, là, c'était une galère honnête et. Réel. Ah ouais, d'accord. Ben dis donc. Ben je comprends et je compatis. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, à part dans les églises? Ah, moi, tu me retrouves... tu me retrouves pas, en fait. Ah ouais. Sur les réseaux sociaux, peut-être? Non, très peu. Très non, peu non. Ah, t'es pas trop sur les réseaux? Non, sur les petites scènes, dans le secteur de Metz. Et d'accord. Tu tournes pas trop, tu bouges pas trop, peut-être en dehors du Nord-Est? Du Grand Est, on va dire? Si, j'ai bougé un peu, Non. Moi, je fais ça à la cool, tranquille, tu vois, sans trop se casser la tête. T'as donc, une page, peut-être, non? Non, ouais, j'ai un truc privé, en fait. Un c'est profil, Beniz. Beniz. Okay. Et voilà, c'est tout, quoi. Ok, bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Peut-être bientôt une page, et puis voilà, quoi, on verra bien. Hein. On verra, on te suivra. Hein. Et puis, on incite cette dame à venir te voir peut-être un peu plus tard. Peut-être qu'elle aimera mieux. Ailleurs que dans une église. Ailleurs que dans une église, oui, parce que forcément, pour parler de mort, c'est pas le meilleur c'est endroit. C'est pas le meilleur endroit. Il n'y a pas de problème. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.